Je sais tout. C'est vrai. Comme les ancêtres, les chatbots. Et particulièrement l'un des plus connus, ChatGPT. Trois pas en avant, un coup d'œil dans le rétro, une pincée de science-fiction. Détour vers le futur, le podcast qui vous invite à rencontrer des scientifiques pour parler de la société d'aujourd'hui et de demain. Retrouvez-nous sur le site internet du Quai des Savoirs et sur toutes les plateformes d'écoute. La science CQFD, Natacha Triou. Une équipe d'astronomes a récemment détecté un quasar record, l'objet le plus lumineux de l'univers. Comment ces entités nous permettent-elles de mieux comprendre l'origine des galaxies ? Quasar, vous avez dit quasar. Avant que l'on comprenne leur nature, ils ont été baptisés quasar, la contraction de quasi-stellaire. En réalité, ce ne sont pas des étoiles bizarres, mais le cœur de galaxies au noyau extrêmement brillant, de puissants trous noirs que l'on observe en train de manger. Ils sont l'un des phénomènes les plus extrêmes du cosmos, si bien qu'ils peuvent modifier les structures des galaxies et même les tuer. Mais une énigme demeure, qui, du trou noir ou de la galaxie, est venu en premier ? Quasar, lumière et gaz à tous les étages. David Elbaz, bonjour. Bonjour Natacha. Vous êtes astrophysicien, directeur scientifique du département d'astrophysique du CEA et l'auteur, entre autres, de l'ouvrage « Les 10 000 et une nuits de l'univers » paru en 2022 chez Odile Jacob. Et Hakim Atek, bonjour. Bonjour. Vous êtes chercheur à l'Institut d'astrophysique de Paris. Merci à vous deux d'avoir accepté notre invitation en direct sur France Culture. Et merci à vous qui nous écoutez. Vous pouvez aussi nous suivre sur les ondes, mais aussi sur le web, sur franceculture.fr, mais aussi sur Twitter, @sciencesqfd, avec notre live tweet qui commence tout de suite. Alors comment et pourquoi observer les quasars? Comment les astronomes ont-ils compris que ces quasi-étoiles étaient en fait de puissants trous noirs? Et pourquoi sont-ils une clé de compréhension de notre univers? Nous sommes ensemble jusqu'à 17h pour répondre à ces questions. Mais d'abord, que sont les quasars? La question est posée en 1969, c'est notre archive du jour. Jacques Bergier, je voudrais vous demander un complément d'information sur les quasars. Les quasars, je crois que ça veut dire quasi-stars. Quasi-étoile, il y a trois variétés de ces objets. Il y a les quasars ou quasi-étoiles. Il y a les envahisseurs, interlopers, ne pas confondre avec un célèbre feuilleton de la télévision. Et enfin, il y a surtout les pulsars, ainsi nommés parce qu'ils pulsent, qu'ils sont réguliers, qu'ils sont même tellement réguliers qu'on peut se demander s'ils ne sont pas artificiels, s'ils ne sont pas manipulés. Bon, de quoi s'agit-il dans la plupart de ces cas? Il s'agit d'objets qui sont plus petits que le système solaire, mais qui dégagent plus d'énergie que 100 000 soleils. Il s'agit donc des sources d'énergie extraordinaires à côté desquelles l'énergie atomique est une allumette. Bon, il y a donc déjà un premier souhait à formuler, c'est que l'humanité ne trouve jamais ces sources d'énergie. Avec la bombe thermonucléaire, elle est déjà à la limite de la destruction. Le jour où elle aura l'énergie des quasars, eh bien, elle transformera la Terre en une supernova. Le deuxième souhait à formuler, c'est que dans le cas extrême, celui des pulsars, c'est-à-dire des quasars dont l'énergie pulse change très rapidement dans le temps et avec une précision supérieure à celle des meilleures horloges. Autrement dit, imaginez un objet qui dégage plus d'énergie que 100 000 soleils et qui pourtant est mieux réglé qu'une montre bracelet. C'est tellement inconcevable naturellement que toutes les théories naturelles se sont cassées la figure les unes après les autres et qu'on commence à penser qu'il s'agit alors d'êtres qui savent manipuler les étoiles. La voix du sulfureux Jacques Bergier dans l'émission Ailleurs Absolue ou Le Fantastique des Ondes en 1969. C'est-à-dire, on est 7 ans après seulement, 7 ans après la découverte du premier quasar. David Elbaz, on entend déjà qu'il y a de nombreuses sources de fantasmes dans cette archive. Oui, alors c'est vrai que les quasars, ça fait rêver, ça fait peur parfois, parce que c'est associé au trou noir. On reviendra peut-être d'ailleurs, il y a une jeune indienne qui s'est suicidée au moment où on a allumé le LHC, l'accélérateur de particules, parce qu'elle a eu peur que ça crée un trou noir et que ça détruise la Terre. Bon, c'est pour vous dire un peu. Alors, il y a 2-3 petites choses qui sont fausses dans ce qui ont été dit là, que j'aimerais corriger pour nos auditeurs. La première chose, c'est qu'il dit si on disposait de l'énergie qui allume un de ces quasars, qui est très puissant, alors ça serait pire qu'une bombe atomique. En fait, il y a un effet d'échelle, c'est-à-dire que la masse qui est en jeu dans ces quasars, c'est des millions, des milliards de fois la masse du Soleil. Et on ne peut pas avoir ça dans une pièce, on ne peut pas avoir ça sur Terre, c'est beaucoup trop massif. La différence qu'il y a entre l'énergie d'un quasar et l'énergie d'une étoile, il y a deux grandes sources d'énergie dans l'univers, les étoiles et les quasars. Le quasar, c'est la gravité qui est convertie en lumière lorsque quelque chose tombe dans le quasar. Et c'est 10% de E égale MC2. Le E égale MC2 d'Einstein, c'est ça. 10% de la masse qui tombe dans un trou noir devient de la lumière. Et donc, c'est 10% de l'énergie qui tombe qui devient de la lumière. Dans l'étoile, c'est 0,7%. Donc, c'est vrai que c'est 15 fois plus que dans une étoile. Donc, c'est 15 fois plus que ce qu'on ferait dans une centrale nucléaire si on pouvait domestiquer ça. Mais c'est tout. Donc, voilà, c'est un des points qui n'est pas correct. Ensuite, il dit que ça fait 100 000 fois la lumière du soleil. En fait, non, c'est 1 milliards de fois la lumière du soleil, donc c'est bien plus. Ah, merci pour toute cette correction. Puis on reviendra évidemment dans le détail sur pourquoi sont-ils aussi brillants, pourquoi, enfin, sur leur source d'énergie. Mais votre réaction, vous aussi, Akimatek, à l'écoute de cette archive. Oui, c'est assez fascinant. Et puis, si on continue dans les corrections, bon, c'est facile 50 ans après de corriger, mais il parle aussi de pulsars, de trous noirs, de quasars. C'est deux choses différentes aussi. Les pulsars, c'est plutôt la mort d'une étoile, et les quasars, c'est plutôt un trou noir supermassif. Donc, effectivement, c'est des phénomènes super énergétiques. Donc on peut les comparer, mais la source est vraiment différente de ces deux phénomènes. On a voulu commencer cette émission avec justement cette archive parce que l'histoire des quasars, c'est aussi une histoire d'une controverse scientifique. On a d'abord cru que c'était donc des étoiles. En décembre 1962, un astronome fait une des découvertes les plus importantes du XXe siècle. David Elbaz, c'est une histoire assez étonnante à raconter. Oui, c'est très sympathique parce que c'est Martin Schmidt, cet astronome qui est là, qui regarde un catalogue de sources radio, le troisième catalogue, on appelle ça 3C, et la 273e source se trouve ressembler à une étoile, mais il y a un petit trait de lumière qui pointe sur l'étoile. Alors ça le fait tiquer, il se dit pourquoi il y a un trait de lumière? Est-ce que c'est un défaut sur l'image? Et puis il s'aperçoit que le décalage vers le rouge, vous savez que l'univers est en expansion. Et si je prends une feuille de papier, imaginons que cette feuille de papier soit un peu élastique, et que je l'étire, les lettres vont s'étirer avec, et elles vont se dilater en quelque sorte, elles vont devenir de plus en plus grandes. Et bien la lumière, c'est un peu comme ces lettres, elle est dilatée par l'expansion de l'univers, et ça la décale vers le rouge. Et il voit, grâce à ça, que cette source de lumière se déplace à 4 millions de kilomètres heure. Ça ne peut pas être une étoile. Les étoiles ne vont pas aussi vite. Et donc, qu'elle est à 2 milliards d'années-lumière de nous et qu'elle est donc aussi lumineuse que 1000 milliards de soleils. Là, il y a un truc qui ne va pas. Et puis, d'autres chercheurs vont s'apercevoir que ça varie très rapidement. Et si ça varie en une semaine, alors ça ne peut pas être plus grand que ce que la lumière parcourt en une semaine. Une semaine, lumière. Et donc, comme ça, on va s'apercevoir que c'est contraint dans une toute petite zone. Et là, les chercheurs se sont dit, qu'est-ce qui peut faire d'autant de lumière dans une si petite zone? Et la seule chose qu'on connaisse, c'est de la matière qui tombe dans une source de matière très concentrée, un trou noir, et lorsqu'elle tombe, elle chauffe et elle rayonne de la lumière. Donc pour l'instant, c'est la seule explication qu'on a, donc on dit que c'est ça l'origine. Et donc voilà, c'est avec ce 3C273, ce premier quasar qui a été découvert dans les années 60, qu'est née, quelque part, la légende des quasars, et que depuis, maintenant, on en a plus d'un million. Oui, voilà, Akimatek, quand Martin Schmidt voit une étoile qui fait des ondes radio, il se dit, ça c'est pas normal pour une étoile classique, justement, de détecter ces ondes radio-là. Oui, et il faut rappeler aussi que Martin Schmidt n'observe pas par hasard cette source. Il reçoit une lettre d'un certain Cyril Hazard, un autre observateur, astronome, qui observe, en fait, une étoile bleuâtre qui a l'aspect d'une étoile, mais qui a l'énergie de 1 milliard d'entre elles. Donc il est fasciné par ça, il envoie une lettre à Martin Schmidt, il lui demande d'observer, d'obtenir un spectre de cette source à l'observatoire de Palomar, 5 mètres de diamètre, le plus gros télescope à l'époque. Donc il obtient effectivement ce spectre et il voit avec stupéfaction des raies d'émission. Si ça avait été une étoile, on aurait vu des raies d'absorption. Là, il voit des raies en émission brillantes. Et surtout, le plus stupéfiant, c'est que ces raies sont décalées de 16% à peu près. 16%, ça correspond, comme disait David, à 2 milliards d'années-lumière de distance. Et là, il va au bout, il a l'audace d'aller au bout de ce résultat, de le publier et dire qu'on a des sources qui sont à 2 milliards d'années-lumière, alors qu'on connaissait que des galaxies proches. Et cette audace, certaines personnes, certains astronomes avant lui, ne l'ont pas eue. Puisqu'on avait découvert aussi une autre source similaire, 3C48, c'était 3 ans avant, et c'était Sandage et ses collaborateurs qui avaient découvert ça. Ils avaient vu la même chose, ils l'ont mis dans un tiroir parce qu'ils ne comprenaient pas ces raies d'émission. Alors, donc, on sait que ce ne sont pas des étoiles, mais si on doit faire la petite anatomie d'un quasar, David Elbaz, il y a trois grandes composantes. Est-ce qu'on peut les détailler ensemble? Oui. Alors, d'abord, on va supposer l'existence d'un trou noir. Et vous allez voir que dans cette émission, beaucoup de gens vont se poser la question, mais qu'est-ce qu'il y a au centre d'un trou noir? Et nous allons bien faire attention de bien vous expliquer qu'on n'en sait rien. Alors, on ne sait pas ce qu'il y a au centre d'un trou noir, parce qu'aucune théorie ne sait l'expliquer. Donc, supposons maintenant qu'on a une concentration de matière énorme qu'on appelle un trou noir, un objet dont la lumière ne peut pas sortir. Comment se fait-il qu'un objet dont la lumière ne peut pas sortir est à l'origine des plus puissantes sources de lumière de l'univers? Là, il y a un paradoxe. Les gens doivent se dire, ils se moquent de nous. Alors, la raison, c'est que lorsque un de ces ogres se trouve dans une galaxie, il mange. Il grossit en permanence. Je suis bien placé pour le savoir. je suis très concerné par ce problème. Et donc, il bouffe et la matière qui tombe dans le trou noir tourne. Et il y a de la friction. Elle frotte, elle chauffe un peu comme si je frottais ma main sur la table de plus en plus vite. Et plus je vais vite, vous pouvez vous amuser à faire ça, vous allez voir que ça chauffe. Et ça chauffe. Et si vous aviez une caméra à infrarouge, je verrais que ça n'a rien de la lumière. Ben là, ça va jusqu'aux millions de degrés. Donc la matière qui tourne autour, voilà, elle chauffe et elle fait de la lumière. Ça, c'est une deuxième composante. Troisième et dernière composante, les électrons des atomes sont arrachés par cette très grande température, se mettent à tourner, et ce faisant, ça crée un champ magnétique dont la force projette la matière dans des puissants G qui partent des pôles, et c'est la troisième composante du quasar. C'est ça, donc un trou noir supermassif, un disque d'accrétion et des jets de gaz, Akimatek. Oui, donc c'est vraiment ce disque d'accrétion plus le jet qui donne la majorité de l'énergie des quasars. Et ensuite, on a vu à travers l'histoire des observations de ces sources, différentes sortes de quasars. Hein. Des quasars qui avaient les raies dont on parlait, spectrales, très larges. D'autres avaient des larges étroites. Certains quasars avaient de l'émission radio, donc ils étaient brillants en radio. D'autres n'en avaient pas. Certains passaient d'un certain type de quasar à d'autres, donc ça variait. Et dans tout ce zoo de sources, on n'arrivait pas à se retrouver, effectivement. Oui, parce qu'en effet, il y a des quasars qui sont, donc, comme vous venez de dire, brillants dans le domaine radio et moins brillants également. Oui, alors, pendant longtemps, on s'est perdu un peu dans cette zoologie et on s'est dit, est-ce que c'est des girafes, des rhinocéros, des hippopotames, etc. Et puis après, on s'est rendu compte, vous connaissez probablement l'histoire de ces aveugles qui vont chacun toucher un morceau différent d'un éléphant. Il y en a un qui touche un pied, l'autre la trompe, l'autre l'oreille, l'autre la queue, et chacun, quand il revient, il explique au roi qui les avait envoyés, voilà, j'ai vu cette espèce de serpent, c'est une espèce, etc. Et en fait, c'est un seul et même animal, c'est l'éléphant. Et alors, nous, on a ce qu'on appelle le modèle unifié. Dans cette vision-là, qui a ses avantages, ses inconvénients, eh bien, tous ces objets différents, la grande majorité, disons, seraient le même éléphant, vu sous un angle différent. Si je regarde le disque par la tranche, je ne peux pas voir la matière qui est tout près du trou noir parce que c'est absorbé par la matière du disque d'accrétion. Si je le regarde vers le haut, le jet tire vers moi. J'ai l'impression que ça va très très très vite et je vois les sources d'ondes radio. Je peux voir la matière qui tourne autour du trou noir et donc je vois cette très grande agitation, etc. Donc selon l'angle, si je suis à 20 degrés, 45 degrés, 90 degrés, 0 degrés, eh bien je crois voir un objet différent. Et donc là, on s'est dit, ah, ça y est, on a compris, c'est le même objet vu sous des angles différents. Depuis, les spécialistes continuent de débattre là-dessus et se disent « Ah, mais toute la galaxie autour joue un rôle, c'est peut-être pas ça ». Bon, mais disons, grosso modo, c'est ça. Oui, parce qu'on croise en effet les quatre catégories principales dans la littérature, les galaxies de Seyfert, les radiogalaxies, les blazars et les quasars, mais ça, en fait, la distinction entre ces appellations, ça dépend tout simplement de la face que l'on observe. Exactement. Et en fait, il faut comprendre d'abord la composition du quasar, c'est-à-dire qu'on a le trou noir au centre, ensuite le disque d'accrétion, et on a la région dense où il y a beaucoup d'agitation thermique, c'est ce qui crée les raies d'émission élargies à cause de l'effet Doppler, de l'agitation de ces particules émettrices. Et ensuite, on a un anneau de poussière autour, et ensuite, en dehors, on a une zone moins dense qui émet des raies étroites. Donc, si vous observez le quasar par la tranche, eh ben, l'émission de la zone dense à l'intérieur, elle sera invisible. Donc, on ne verra pas ces raies larges. On ne verra que les raies étroites au-dessus de cet anneau. Mais si on incline un petit peu le quasar, on commence à apercevoir la zone dense à l'intérieur. On voit des zones larges. Et cet anneau aussi de poussière, il bloque aussi les émissions radio. Donc, selon l'inclinaison, on voit plus ou moins d'émissions radio. En fait, c'est le modèle d'unification qui a été un petit peu développé. En fait, la phase décisive, c'était en 1985 par Antonucci et Miller, qui en fait utilisent une observation assez intelligente de polarisation en regardant la lumière de la région dense qui est réfléchie ou diffusée par l'anneau, et du coup on arrive à voir cette zone à l'intérieur, donc on voit en même temps les raies étroites et les raies larges, on comprend que c'est le même objet, donc c'est le modèle d'unification de ces noyaux actifs. Alors quel est justement ce quasar le plus lumineux du cosmos récemment découvert, d'où provient plus précisément son énergie? Restez avec nous. France Culture, la science CQFD, Natacha Triot. En direct sur France Culture avec David Elbaz et Akimatek, nous parlons de quasars. On vient de parler de la zoologie de ce bestiaire stellaire. On vient de voir qu'un quasar est un disque de gaz chaud qui tourne très rapidement autour d'un trou noir supermassif au centre d'une galaxie massive. Alors une étude récente parue dans Nature Astronomy en février, grâce au Very Large Telescope, le VLT de l'Observatoire Européen Austral, les astronomes ont détecté donc un quasar record, le plus brillant de sa catégorie, l'objet le plus lumineux jamais observé. Mais là encore, on a d'abord cru que c'était une étoile proche de la Voie lactée, David Elbaz. Oui, alors ça c'est le problème, c'est normalement quand on cherche un objet qu'on ne connaissait pas, on va s'attendre à ce qu'il soit un objet faible, un objet peu brillant, et puis on va prendre un grand télescope pour aller trouver des objets plus faibles. Or, le problème des quasars, c'est qu'ils sont tellement brillants que même quand ils sont loin, on croit qu'ils sont près. Et donc, on les confond avec des étoiles. Et donc, il y a des cas comme ça. Par exemple, il y a eu un cas d'un quasar que citent les auteurs qui date de plaques photographiques du 19e siècle. Il a fallu attendre 2022 pour se rendre compte que c'était pas une étoile, c'était un quasar, parce qu'il se cache. Et donc, celui-ci, pareil, il est tellement brillant qu'on l'a pris pour une étoile. Mais en réalité, ce qui le distingue des autres... Alors, deux choses. D'une part, il est quand même très loin. C'est-à-dire qu'on le voit... à peu près 1,5 milliard d'années après le Big Bang, c'est quand même il y a longtemps. Et il rayonne l'équivalent de 100 000 fois la lumière du Soleil, donc c'est quelque chose de très puissant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au moment où on le voit, il avale de la matière à un rythme unique de tout ce qu'on connaît dans l'univers. Il mange un peu plus de l'équivalent d'un Soleil par jour. Et la question posée par les auteurs, et je vais la laisser ouverte, est celle-ci qu'on peut tous se poser. Quand on mange beaucoup, quel est le problème qu'on rencontre? L'indigestion. Et la question physique que se posent les scientifiques, pourquoi ce quasar n'a-t-il pas eu d'indigestion depuis le temps qu'il mange à ce rythme-là? Et c'est une question scientifique, c'est pas juste une question de réveillon de Noël. On reviendra sur cette question d'indigestion, mais d'abord, autre question. On connaît déjà un million de quasars qui sont bien moins impressionnants que celui-ci. Pourquoi on ne découvre celui-là qu'aujourd'hui à Akimatek? Oui, alors c'est vraiment des questions observationnelles, c'est les techniques d'observation. Ici, on a réussi à voir ça. Déjà, ces quasars sont hyper brillants, donc très rares dans le ciel. Donc il a fallu utiliser les observations de WISE, un satellite qui observe donc dans l'infrarouge, et qui a observé tout le ciel. Donc vous avez plus de chances, effectivement, de trouver ce genre de bêtes assez rares. Et puis, on a utilisé aussi, pour distinguer le quasar d'une étoile, comme disait David, on a utilisé Gaia, donc ce satellite qui donne des positions très précises des étoiles dans le ciel. Et effectivement, une étoile dans le ciel, on fait ce qu'on appelle la parallaxe. On la voit bouger quand même de façon imperceptible à l'œil nu peut-être, mais avec Gaia, on la voit bouger. Et les sources qui sont très brillantes et ponctuelles, qui ne bougent pas, elles ont beaucoup de chances d'être des quasars. Et ensuite, on a observé ce quasar avec de la spectroscopie, donc on a confirmé sa nature, effectivement. Alors, environ 10% des quasars présentent une paire de jets de particules, dont la vitesse est proche de celle de la lumière. Alors celui-ci, on n'en voit pas pour le moment, il n'y a pas de preuves, on y reviendra. Mais d'abord, ces jets qui sont parfois éjectés sur des millions d'années-lumière, ces jets, qu'est-ce que c'est exactement, David Elbaz? Effectivement, c'est la preuve qu'il y a une très forte énergie qui est donnée de la matière, puisque ces jets, ce sont des jets de matière. Ils nous apparaissent sous la forme de lumière, parce que la seule chose que l'on capte, c'est la lumière. Mais cette lumière est provoquée par l'accélération de matière et qui rayonne cette lumière. Alors, pourquoi la matière est accélérée à telle énergie? Ça prouve bien qu'il est en train de tomber avec une vitesse phénoménale, en tournoyant à des vitesses phénoménales de la matière dans ce trou noir. Ça veut dire que son pouvoir d'attraction est ultra puissant. Et c'est ça l'idée, c'est qu'on a une gravité ultra concentrée, ultra puissante. Maintenant, juste une petite précision, c'est que ces jets donc indiquent cette catapulte, c'est un effet de catapulte, tout simplement, c'est une catapulte. Et si je tourne la catapulte vite, la pierre elle part vite. Donc c'est une pierre qui part vite, c'est juste ça. Mais si le Soleil était transformé en un trou noir, Est-ce que nous serions catapultés? La réponse est non. C'est-à-dire que le trou noir n'a pas un pouvoir de catapulte particulier, son pouvoir de catapulter la matière vient juste de sa masse. Et donc, il a 17 milliards de fois la masse du Soleil, c'est pour ça que c'est une puissante catapulte. Ce n'est pas parce que c'est un trou noir. Ça, c'est important de le savoir, ça n'a rien à voir avec un pouvoir magique du trou noir, cet effet catapulte. Akimatek, sur ces jets superluminiques. Oui, alors superluminique, on sait que c'est un effet relativiste, hein, il dépasse pas la vitesse de la lumière, mais c'est juste en regardant par exemple sur le côté ce jet, mais il y a une partie, une composante qui vient vers nous, donc la lumière étant finie, cette partie proche de nous va arriver plus vite à nous que l'autre partie, donc ça biaise un peu la mesure de la vitesse de ce jet. Ça, c'est un des effets, il y en a plusieurs, mais c'est l'un des effets. Et ensuite, ce jet, il est tellement puissant, on va peut-être y revenir, qu'il va influer sur l'évolution de la galaxie elle-même, la formation des étoiles dans les galaxies. Il peut arrêter ou accélérer la formation des étoiles, les lobes et aussi le jet assez fin de ces quasars. Parce que ces jets semblent parfois aller plus vite que la vitesse relativiste, mais comme vous dites, c'est un effet d'optique. Dans celui qui a été observé récemment, il n'y a pas de preuve de jets. Comment ça s'explique, ça, une absence de jets? Il y a plusieurs causes. Oui, en fait, c'est toujours ce même principe. D'abord, d'une part, parce que selon l'angle sur lequel on regarde, on va voir les choses. D'autre part, selon l'environnement d'une galaxie, c'est-à-dire qu'il y a le disque d'accrétion très près du trou noir, puis plus loin, il y a le tore de poussière, puis plus loin, il y a les nuages de poussière et la matière interstellaire, etc. Donc, est-ce que les jets sont présents, mais ils sont arrêtés par la matière qui est autour? Est-ce qu'on est dans une phase où le disque d'accrétion est perturbé, par exemple par des collisions de nuages et qui font que le jet était allumé mardi dernier, mais qu'aujourd'hui ne l'est plus? Tout ça, ce sont des questions que se posent les auteurs. On ne sait pas très bien quelle est la dynamique, l'effet d'environnement, etc. Donc c'est tout à fait connu que, paradoxalement, toutes les galaxies, quasiment toutes les galaxies, ont un noyau, comme un abricot a toujours un noyau en son centre. Si je trouve un noyau, un abricot, je sais qu'il y aura un noyau dedans, j'ai même plus besoin de regarder. Quand je cherche une galaxie, je sais qu'il y aura un noyau, un trou noir dedans, plus besoin de regarder. Parfois, ce noyau nous présente des jets, mais ça dépend de la configuration, mais ça reste toujours un noyau. Akimatek? Oui, et les disques d'accrétion aussi. Hein. On sait qu'il y a des noyaux, comme dit David, un peu partout dans les galaxies. Se pose la question aussi si ces noyaux arrivent jusqu'aux plus petites galaxies, jusqu'à 10 puissance 5 masses solaires, 100 000 ou 1 million de masses solaires. Ça, c'est la vraie question maintenant, parce qu'on commence maintenant à détecter ce genre de galaxies très lointaines. On se pose la question, est-ce qu'elles ont aussi un trou noir en leur centre? En tout cas, s'il y a un trou noir, il n'est pas actif parce qu'on ne voit pas la manifestation de ce disque d'accrétion ou de jet. Donc c'est ça la vraie question maintenant qu'on se pose. Donc, comme vous dites, on sait qu'il y a des noyaux au cœur des galaxies, mais alors à quel point les quasars sont-ils fréquents? Alors voilà, le quasar c'est une phase. Alors des fois nous on parle de noyau actif, c'est quand le noyau produit activement la lumière, donc on a beaucoup réfléchi, on s'est concerté, on s'est dit c'est un noyau, on va l'appeler noyau. Il est actif, on va l'appeler actif, vous voyez, c'est ça le niveau de réflexion. Et quand il est vraiment très très actif, il est très lumineux, alors on appelle ça un quasar. En pratique, ce sont des phases de un peu le réveillon de Noël, etc., que va vivre une galaxie qui va dépendre du passage, très probablement, de matière qui arrive au centre de la galaxie. Par exemple, dans notre galaxie, la Voie lactée, il y a un trou noir qui fait 4 millions de masses solaires. Il n'est pas actif. Pas actif, pourquoi? Parce qu'il est à jeun. Pourquoi est-il à jeun? Parce qu'il a déjà tout mangé autour de lui. Il aimerait bien manger plus. C'est pas qu'il a pas faim, c'est qu'il y a rien. Et comme il n'est pas un aspirateur, il attend. Le jour où la Voie lactée fusionnera peut-être, très probablement avec la galaxie d'Andromède, on pense que ça fera une galaxie qui s'appellera Lactomède, ça va le réactiver. Et notre galaxie deviendra un noyau actif ou un quasar. Et donc, c'est ça l'idée. Voilà, ça dépend de... tout le monde a envie de manger, mais il faut qu'il y ait à manger. Sagittarius à étoile, donc le trou noir de la Voie lactée est repu. Il est repu, et parce qu'il a déjà tout mangé. Peut-être qu'il en aura mangé encore plus. Akimatek, sur justement la fréquence des quasars, il y en a assez peu. Ça signifie qu'il faut fouiller de grandes portions du ciel pour mettre la main dessus? Tout à fait. Alors, il y a assez peu dans l'univers local. Il y en a beaucoup plus dans l'univers jeune. Dans l'univers local, on a à peu près un quasar pour 10 000 galaxies. On a 1000 fois plus à quelques milliards d'années-lumière. Et encore plus, 100 fois plus encore, quand on se rapproche du premier milliard de l'âge de l'univers. Donc c'est pour ça qu'il y a eu une phase très active pour les quasars, parce que l'univers déjà était bien plus dense avant. Donc on pouvait manger très facilement. Et ensuite, avec l'évolution des galaxies, parce qu'il y a coévolution des galaxies et des trous noirs, hein, des quasars, et il faut bien comprendre que le destin et l'évolution de ces deux entités sont intimement liés. Donc le quasar va affecter la galaxie va affecter aussi le trou noir. Et donc très tôt dans l'histoire de l'univers, effectivement, les quasars sont très énergétiques. Ils peuvent avoir un effet beaucoup plus dévastateur qu'à l'âge actuel de l'univers. On l'a très rapidement évoqué en début d'émission, mais peut-être un peu revenir pour expliquer la puissance de ces objets. D'où provient l'énergie des quasars? Oui, en fait, si je laisse tomber un objet sur la table, il va faire de la lumière, parce que l'énergie de la chute de l'objet va être convertie en chaleur. Et si j'avais une caméra infrarouge, je verrais que ça rien dans l'infrarouge. Eh bien, de la même manière, lorsque la matière tombe dans le trou noir, c'est exactement le même processus qu'un objet qui tombe sur cette table ou une pomme qui tombe d'un arbre. Il n'y a pas de différence. Ce sont des pommes qui tombent d'arbre. D'ailleurs, le Soleil a en son centre une température de 15 millions de degrés. Aujourd'hui, elle est entretenue par des fusions nucléaires. Mais avant l'allumage des fusions nucléaires, quelque chose a permis au Soleil d'atteindre cette température pour enclencher les fusions nucléaires. C'est des pommes qui sont tombées. Alors, ce n'était pas des pommes, c'était des atomes qui sont tombés et qui se sont cognés et qui ont chauffé. Donc, c'est de là que vient la puissance du quasar. Et ce qu'il faut savoir, c'est que aujourd'hui, on pense que toutes les galaxies ont un trou noir dont la masse est à peu près entre 500 et 1000 fois plus faible que la masse des étoiles de ce qu'on appelle le bulbe de la galaxie. Donc, en gros, il y a un lien très, très intime. Le quasar, c'est le moment où c'est allumé. Donc ça, c'est un objet qui peut être rare. Mais le trou noir qui va s'allumer en quasar est omniprésent. Et omniprésent est le mécanisme d'allumage du quasar et le mécanisme universel de la gravité. Mais l'autre aspect aussi, c'est la variabilité de la luminosité des quasars, Akimatek. Oui, et c'est lié aussi à ce type de phénomène, donc d'accrétion. Donc, on peut accréter du gaz jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus. Et ensuite, on attend, il y a une phase de sieste du quasar. Ensuite, on attend le prochain festin. Et ensuite, on a un autre allumage donc, du disque d'accrétion. Et puis, on parlait d'efficacité. Donc, David mentionnait les étoiles. Donc, malgré sa brillance, par exemple, le Soleil, il a 1% d'efficacité ou un peu moins de 1% d'efficacité en transformant la matière en énergie. Et bien, le quasar, c'est à peu près 10%. Donc, c'est peut-être l'un des phénomènes les plus énergétiques et les plus efficaces à transformer l'énergie dans l'univers. Et ensuite, oui, comme je disais, cette coévolution des galaxies et des quasars, on sait depuis longtemps, hein, depuis deux décennies maintenant à peu près, que la masse du trou noir, par exemple, est liée et corrélée avec l'agitation des étoiles autour du bulbe des galaxies. On sait que cette évolution se fait main dans la main, donc plus le trou noir est massif, plus on va avoir des étoiles autour s'agiter, et il y a vraiment une corrélation nette entre les deux. Donc on voit comment les deux évoluent au cours du temps. Sauf que maintenant, dans l'univers local, effectivement, on voit que le trou noir central est vraiment une petite fraction de la galaxie totale. Mais dans l'univers jeune, un milliard d'années à peu près après le Big Bang, on découvre des trous noirs qui sont à peu près 30% jusqu'à 50% de la masse de la galaxie. Donc là, se pose la question: est-ce que le trou noir est venu avant la galaxie et ensuite la galaxie s'est formée autour? L'énigme de l'œuf ou la poule. Avant ça, quand même, pour comprendre la formation, la naissance des quasars, David Elbaz, il y a trois scénarios de formation à propos des quasars. Voilà, c'est ça. Donc, pour faire un quasar, il faut un trou noir. Pour faire un trou noir, il faut... qu'est-ce qu'il faut? Alors, au début, il n'y avait rien. Il n'y avait pas un troquet, pas une mob, rien. Et donc, on a ce moment du début de l'univers qui est un nuage de gaz. Et puis là, première option. Naît la première étoile de l'univers. Elle a, on va dire, 500 fois la masse du Soleil. Alors pourquoi elle est si massive? C'est parce que la matière est faite que d'hydrogène et d'hélium. Elle ne fait pas de grumeaux parce qu'il n'y a pas de carbone, d'azote, d'oxygène. Elle est bien lisse. C'est une purée qui passe bien parce qu'elle ne grumelle pas. Voilà. Et alors, ça fait une étoile comme ça qui s'effondre. Et puis, à la fin de sa vie, quand elle a fini d'épuiser son réservoir nucléaire, est arrivée au niveau du fer, paf, elle s'effondre et fait un petit trou noir. S'effondre sans s'exploser. Sans exploser. Alors, dans certains cas, elle peut exploser, c'est encore débattu, mais la première pourrait éventuellement ne pas avoir explosé ou, dans d'autres cas, exploser. Et en tout cas, ça laissera un noyau qui sera un trou noir stellaire. Ce trou noir stellaire va ensuite grossir en accumulant de la masse qui tombe dedans et puis va former le trou noir galactique. Ça, c'est un. Deuxième scénario, vous avez un amas d'étoiles et donc vous pouvez former plusieurs trous noirs stellaires qui vont fusionner ensemble et avoir un trou noir de masse intermédiaire, on appelle ça. Et donc, ça va accélérer le processus. Troisième scénario, et on pense que les trois scénarios existent. Troisième scénario, les Anglais appellent ça « direct collapse black hole ». Vous ne faites pas une étoile, vous faites directement un trou noir qui peut faire 500 000 fois la masse du Soleil, d'un coup. Ce qu'on appelle les trous noirs primordiaux. Alors, il y a les trous noirs primordiaux, c'est vrai qu'on pourrait l'appeler comme ça, mais il se trouve que, pour des raisons historiques, c'est un nom qu'on a donné à des trous noirs qui seraient nés juste après le Big Bang, plein de petits trous noirs primordiaux, qui pourraient être aussi des germes, mais qui, eux, sont des tout petits trucs dont on parle pour faire la matière noire, par exemple. Alors voilà pour les scénarios de la formation des quasars, une question donc qu'on a déjà évoquée. Comment se sont-ils formés alors que l'univers était encore jeune? Comment nous permet-il de comprendre les prémices de l'univers? Restez à l'écoute et saisissez-vous d'un télescope. Direct sur France Culture, il y a un télescope par Wisley Gonzalez, car nous braquons nos télescopes sur les quasars, les entités les plus lumineuses et les plus extrêmes du ciel. On en parle avec nos deux invités du jour, David Elbaz, astrophysicien, directeur scientifique du département d'astrophysique du CEA, et Hakim Atek, chercheur à l'Institut d'astrophysique de Paris. Nous venons de voir qu'un quasar typique produit une quantité monstrueuse d'énergie qui brille autant qu'un millier de galaxies ordinaires. On a déjà dit qu'ils étaient rares, qu'il faut fouiller de grandes portions du ciel pour en observer. Mais plus précisément, Hakim Atek, comment observe-t-on les quasars? Alors, on peut mentionner déjà la mission de l'ESA Euclide. Donc, je dirige une équipe, par exemple, qui va essayer de détecter ces quasars très tôt dans l'histoire de l'univers. Donc, pour espérer détecter ce type de quasars très brillants, il faut regarder à peu près 100 degrés carrés sur le ciel. Et Euclide va observer 15 000 degrés carrés. Donc, on a beaucoup de possibilités, de chances de découvrir ces quasars. Euclide, qui est un télescope spatial qui a été envoyé il y a un peu moins d'un an, d'ailleurs. Exactement. Et dans la mission principale, c'est d'étudier la matière noire dans l'univers, découvrir un petit peu la nature de la matière noire et de l'énergie sombre. Mais ce faisant, on peut aussi détecter des sources très lointaines, y compris ces quasars. Donc, c'est l'une des pistes. Et ensuite, il faudra effectivement, comme l'a fait Martin Schmidt, obtenir des spectres ensuite de ces quasars et confirmer leur nature. David Elbaz. Oui, alors aussi ces objets, ils s'invitent parfois de manière inattendue. On a tous entendu parler des petits hommes verts. C'est l'extraterrestre, ça, c'était dans la mythologie. Ce à quoi Carl Sagan a répondu en parlant du petit point bleu pâle que lorsqu'un astronaute partait, et finalement il n'était pas impressionné par ce qu'il y avait au-delà, il regardait la Terre, et ces petits points bleu pâle, et que c'est une image qu'il avait obtenue par un satellite. Et bien maintenant, depuis les observations du télescope spatial James Webb, tout le monde parle des petits points rouges. Little red dots. Little red dots. Et alors, On ne sait pas complètement ce que c'est, mais le plus probable, c'est que ces petits points rouges, ce soient des trous noirs en train de manger, donc des noyaux actifs, des petits quasars, en abondance. Et qui, toute la question est de savoir, notre compréhension actuelle de la naissance des trous noirs et de leur évolution avec les galaxies est-elle compatible avec l'abondance de ces petits points rouges? C'est-à-dire, est-ce que l'univers a la rougeole? Est-ce qu'il y a une maladie qu'on n'avait pas prévue? La température monte à cause du trou noir, etc. Donc, vous prenez la température, il est rouge, vous voyez des signatures des petits points rouges, il a la rougeole, voilà. Et j'irai encore un camp plus loin, ce qui est assez dingue, c'est que aujourd'hui il vit une pandémie, c'est-à-dire qu'aujourd'hui les galaxies meurent à un rythme accéléré, c'est-à-dire qu'elles deviennent stériles. Et les gens se demandent si c'est pas le contre-coup de la rougeole, c'est-à-dire de ces trous noirs qui feraient ça. Donc on est vraiment face à un diagnostic de médecin, face à un être qu'on appelle l'univers, et dans lequel on est en train de potentiellement accuser les trous noirs d'être une maladie ou pas. Akimetek. Et du coup, ces petits points rouges, justement, on a fait une campagne d'observation récemment et on a confirmé que 70% de ces petits points rouges étaient des quasars avec de la spectroscopie, donc comme on l'a mentionné tout à l'heure. Et puis aussi, parce qu'avec le télescope James Webb, on peut observer, les sélectionner directement avec la lumière visible, la lumière optique, alors qu'avant, on sélectionnait à travers l'ultraviolet. Donc ça ouvre vraiment un nouvel espace de paramètres et on découvre une nouvelle population de noyaux actifs, donc les Little Red Dots, qui sont 100 fois plus nombreux que les AGN, les noyaux actifs détectés dans l'ultraviolet. Et ensuite, on découvre des sources assez bizarres, donc des noyaux actifs, par exemple, qui sont à la fois rouges et à la fois bleu dans une autre partie de leur spectre. Et ça, d'ailleurs, pour la petite histoire, je donnais un séminaire récemment sur ces résultats, et quelqu'un dans l'audience me posait la question, est-ce qu'on comprend ce que c'est? Et j'ai répondu, ce à quoi j'ai répondu, on comprend rien du tout. Et cette personne m'a dit, c'est ce que j'aime entendre. Et cette personne, c'était David Elbaz. Alors, toujours côté observation, les quasars, donc lorsqu'ils accrètent de la matière, sont donc capables d'accélérer au niveau de leur pôle une paire de jets de plasma qui va presque à la vitesse de la lumière et qui se propage au-delà de la galaxie hôte. Et lorsque ces jets de plasma sont alignés avec la Terre, nous en recevons des photons de haute énergie. C'est le sujet du reportage du jour et c'est avec vous, Natacha Demoul. Bonjour. Bonjour Natacha. Oui, tout à fait. Et quand ces photons venus d'autres galaxies arrivent sur Terre, ça nous fait encore une autre façon d'observer les quasars. Mais ce ne sont pas du tout les seules particules qui tombent du ciel. Alors comment les détecter? Comment les distinguer d'autres particules? Et que peuvent-ils nous apprendre? C'est ce que nous explique Matteo Cerruti, maître de conférence à l'Université Paris-Cité et au laboratoire Astroparticules et Cosmologie. Le voilà en train de nous montrer deux images, comme deux tableaux impressionnistes. Alors ici, nous voyons l'image en optique, en fait, d'une cascade produite par l'interaction d'un photon, dans ce cas ici, ou d'un proton, avec l'atmosphère, quand les énergies en jeu, ce sont de l'ordre du téraélectronvolt. Donc dans ce cas-là, quand la particule, en fait, interagit avec l'atmosphère terrestre, crée une cascade de particules. Cette cascade, elle est superluminique, c'est-à-dire que les particules dans la cascade vont plus vite que la lumière dans les milieux, dans ce cas dans l'air. Et le fait d'être superluminique crée ce qu'on appelle la lumière Cherenkov. Et donc quand on regarde les deux images, c'est des points bleus et des points... Et au centre, on voit plus de points blancs et rouges. Et sur les deux images, là, c'est pas la même forme. Est-ce que vous pouvez nous expliquer à quoi ça sert, en fait, pour identifier les particules que vous êtes en train de détecter? Oui, en fait, la chose à laquelle nous nous intéressons, ce sont les photons. Donc, nous voulons observer les rayons gamma qui proviennent de l'univers. Mais les protons, de la même énergie, produisent aussi de la lumière Cherenkov. Donc, nous utilisons le fait que les cascades produites par un photon et par un proton n'ont pas du tout la même forme. Comme vous devez nous le dire, donc, vous regardez plus particulièrement les photons. Et ça, vous le faites au moyen d'un télescope assez spécifique, le télescope S. Oui, nous observons ces cascades avec un télescope qu'on appelle télescope de type Cherenkov. La question qu'on peut se poser, c'est pourquoi on n'observe pas ces cascades avec l'œil, si c'est en optique. C'est que ces cascades, en fait, sont très rapides. On parle de petits flashs qui durent quelques nanosecondes. Donc, la clé pour les détecter, c'est avoir une très grande surface de détection et surtout une électronique très rapide. Et alors là, vous êtes en train de me montrer une courbe que vous pouvez nous présenter. Donc, si je comprends bien, c'est une courbe de différentes détections qui sont sur un temps assez court. Oui, tout à fait. Ça, c'est un des graphiques avec lesquels nous travaillons d'habitude. C'est ce qu'on appelle une courbe des lumières. Donc, c'est un flux de lumière, donc une énergie par surface par seconde, en fonction du temps. Donc, les noyaux actifs des galaxies sont connus pour être variables. La chose exceptionnelle ici, ce sont les temps en jeu. Donc ici, si on regarde, c'est une observation faite avec le télescope S, qui prend moins de 2 heures d'observation sur une nuit, et on voit des variations en luminosité de plus d'un facteur 4 pratiquement, sur des temps qui, le plus rapide desquels c'est pratiquement 2 minutes de variabilité. Et donc qu'est-ce que ça nous apprend sur la région qui a pu émettre ces rayonnements ? Donc celle-là, ça nous donne beaucoup d'informations. En fait, la principale, c'est que ça nous contraint la taille de la région d'émission. Donc il faut vraiment penser comme si on a une sphère dans un jet d'un trou noir qui est en train de rayonner. Mais comme la taille n'est pas petite, en fait, la lumière d'un côté, elle ne nous arrive pas au même moment que la lumière de l'autre côté. Et donc c'est celle-là, c'est le fait qu'en fait la lumière doit traverser une région grande pour arriver à notre détecteur sans impact sur la courbe de lumière que nous observons. Et donc en fait nous littéralement pouvons déterminer la taille de ce que nous sommes en train d'observer en regardant son évolution temporelle. Et donc vous nous avez dit l'intérêt de ce type d'observation, donc d'une part c'est qu'il donne des informations sur la source, et d'autre part c'est qu'il nous éclaire un petit peu sur les autres particules qui pourraient être émises. Mais pourquoi est-ce qu'on détecte mal ces autres particules et quel est l'intérêt de mieux comprendre leur émission en fait ? Oui, tout à fait. C'est-à-dire qu'ici, nous observons des photons, donc des photons de rayons gamma. La question, c'est bien sûr comment les photons sont produits. C'est vraiment pas trivial d'émettre des photons à ces énergies-là. La seule façon de le faire, en fait, c'est d'accélérer des particules chargées, telles que les électrons ou les protons. Et c'est une fois que ces particules sont accélérées, c'est ces particules qui vont rayonner. Donc, un des grands enjeux de l'astronomie moderne, en fait, c'est l'étude des rayons cosmiques. Les rayons cosmiques, dont on avait parlé au début, quand on disait que c'est ce qu'on veut éliminer de nos observations. En fait, on les détecte sur Terre comme un flux de protons, un noyau léger. On ne sait pas d'où ça vient. Et le grand problème, c'est que comme ce sont des particules chargées, elles sont déviées par les champs magnétiques, donc on ne peut pas faire de l'astronomie à un rayon cosmique. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est essayer de voir via leur émission en photon, directement dans les sources, ces particules accélérées. Donc ici, notamment, si cette émission-là est produite par des protons, nous serions en train de voir in situ, en fait, l'accélération des particules dans les jets relativistes d'un trou noir supermassif, et donc avec lesquels on peut faire les liens avec les flux de particules qu'après nous recevons sur Terre. Dans les dernières années, ce qui a changé complètement notre domaine, c'est les débuts de l'astronomie multimessager, et donc les observations en neutrinos et les observations en ondes gravitationnelles. Donc, notamment pour la partie neutrino, c'est très important pour nous parce que si on détecte à la fois un neutrino et un photon dans le noyau actif des galaxies, c'est la preuve en fait pratiquement inconfutable, ce que nous sommes en train de voir l'accélération des rayons cosmiques dans ces objets-là. Et donc, une des choses que nous avons mis en place depuis quelques années, c'est maintenant suivre de façon régulière les neutrinos aussi qui sont détectés par les instruments. Merci Natacha Domoul pour ce reportage. David Elbaz, une réaction à ce qu'on vient d'entendre ? Oui, ben là on est en train de parler donc des objets qui sont extrêmes, qui sont des armes très puissantes pour accélérer des particules et qui, en retour, vont soit projeter des particules accélérées sur Terre, qu'on appelle des rayons cosmiques, soit des particules haute énergie, qu'on appelle des particules de lumière, des photons, gamma, dans les plus hautes énergies. Et l'énigme sur laquelle s'intéressent les gens qui travaillent sur S et le successeur de S qui est en train d'être construit en ce moment, qui s'appelle CTA, Cherenkov Telescope Array, c'est il existe des rayonnements d'une énergie tellement élevée, que ce soit en termes de lumière que de particules, que pour l'instant, on ne sait pas les expliquer. Et donc, on cherche à comprendre. Certains évoquent même l'annihilation de la matière noire comme étant une partie de cette source d'énergie. D'autres font appel à des explosions de supernovae dans des conditions particulières. Mais ça suffit pas. Alors, on va chercher des objets encore plus extrêmes, etc. On est dans le test des lois de la physique du laboratoire poussées à leurs limites. Akimatek, justement, sur cette détection de photons, de haute énergie accélérée par les quasars. Et l'un des autres mystères, surtout pour ces sources donc, de rayons cosmiques, c'est réussir à les situer dans le ciel, parce qu'on sait qu'ils arrivent sur Terre, mais on ne sait pas d'où ils viennent. Donc on n'arrive pas à associer ces rayons cosmiques d'ultra haute énergie avec les sources dans le ciel. On ne sait pas d'où ils viennent. Donc ça, c'est l'un des enjeux principaux. Et puis on évoquait aussi la taille du disque d'accrétion. Et il y a plein de façons, d'autres façons aussi de mesurer ce disque d'accrétion. Puis attends, on y reviendra. Mais Gravity, l'instrument Gravity sur le VLT, le Very Large Telescope au Chili, a obtenu récemment, par exemple, une image où on voit des points chauds du disque d'accrétion autour du trou noir de notre galaxie, par exemple. Et ensuite, l'intérêt aussi de regarder des quasars aussi brillants, c'est que la taille du disque est directement liée à la brillance et à la luminosité du quasar. Donc si on regarde un quasar très lumineux, là, le disque sera un peu plus grand, plus facile à estimer et à regarder. Pourquoi les quasars repoussent-ils les limites de la physique? On continue de répondre à cette question, restez avec nous. France Culture, la science CQFD, Natacha Triou. En direct sur France Culture avec David Elbaz et Akimatek, nous parlons de quasars, ces trous noirs en action. David Elbaz, les trous noirs, les quasars, ils sont aussi fondamentaux pour comprendre la mort des galaxies. Oui, alors c'est vraiment une question sur laquelle les gens se travaillent aujourd'hui, c'est que pour une raison qu'on ne comprend pas très bien, certaines galaxies deviennent stériles, ce qu'on appelle la mort des galaxies, c'est-à-dire qu'elles ne forment plus d'étoiles. Alors, il y a deux grandes signatures de ces galaxies-là. L'une d'elles, c'est qu'elles ont un trou noir en leur centre. Et quand on a une galaxie qui forme encore des étoiles, c'est dans la partie qui ne forme plus d'étoiles, le bulbe, qu'on voit ce trou noir. Donc ça donne à penser que le trou noir est une sorte de cancer des galaxies qui va donner la mort. Et une autre, c'est que, alors je vais le dire de façon un petit peu allégorique, mais c'est qu'elle ne danse plus. C'est-à-dire que notre galaxie, elle a une robe, elle a ce disque-là, tournant, comme ça, qui est une robe un peu, qui tourne comme ça, et c'est à l'intérieur de ça qu'il y a de l'écume et où naissent les étoiles. Bon. Quand une galaxie cesse d'avoir ce mouvement cohérent de danse, et qu'elle devient, avec un mouvement des étoiles qui devient aléatoire, c'est là qu'elle devient stérile. Pourquoi? Parce que tant qu'elle danse, tant qu'elle maintient la matière en suspension, la matière peut continuer à former des étoiles dans un rythme régulier et ça résiste à la gravité. Dès lors qu'elle cesse de danser, par exemple lors d'une collision de galaxies, ben la matière cesse de résister à la gravité par la rotation et elle tombe. C'est comme si la Terre ne tournait plus autour du Soleil. Et donc le trou noir pourrait être associé à la mort d'une galaxie, soit parce que elle a arrêté de danser, puis après il mange, etc. Et c'est un autre phénomène, soit parce que c'est lui, par son activité, par son jet, par sa lumière, qui pousse la matière en dehors de galaxies, qui enlève le réservoir. Donc c'est comme si on vidait un peu les produits chimiques d'une pile et elle fonctionne plus. Voilà, c'est ça. Alors ça, bon, alors, je rajoute une petite chose parce que j'aime bien dire, je m'amuse à dire que je fais partie de la Ligue de défense des trous noirs. Alors ça veut dire quoi la Ligue de défense des trous noirs, la LDTN et les gens pourront signer, bien entendu. C'est juste que c'est un peu facile d'accuser le trou noir sous prétexte qu'il est là. Si je regarde un abricot mort, il y a un noyau aussi. Il n'est pas mort à cause du noyau. Le noyau lui a donné naissance. Et donc il est possible qu'il y ait une ambiguïté là, puisqu'on voit des trous noirs, comme le disait Hakim tout à l'heure, très très tôt et formés très rapidement dans le début de l'histoire de l'univers. Et on a des indices que parfois ils accélèrent la formation d'étoiles, que les jets compriment la matière et accélèrent l'essence d'étoiles. Et donc pour moi, personnellement, et là on devient des scientifiques, c'est très important que les gens comprennent qu'un scientifique ne parle pas toujours au nom d'une vérité reconnue par toute la communauté scientifique quand il parle de choses sur lesquelles ce sont des questions ouvertes. Et donc là, nous, parfois, là maintenant, ce que je dis là, c'est mon point de vue. Donc mon point de vue à partir d'un certain nombre d'observations, c'est que les trous noirs, en réalité, ne sont pas véritablement des tueurs de galaxies, c'est plutôt comme des hyènes. Une hyène, elle va pas tuer l'animal, mais elle va venir manger les restes. Voilà, c'est ça mon point de vue, voilà. Alors, on reviendra aussi sur une autre chose que vous venez de dire, mais d'abord, Hakim Atek, sur le fait que la formation d'étoiles ralentit à cause des quasars, c'est donc ces deux effets, hein, c'est que d'un côté, le quasar chauffe le gaz de la galaxie, ça arrête la formation stellaire, et de l'autre côté, il y a aussi cet effet avec le gaz qu'il éjecte hors de la zone de formation d'étoiles. Effectivement, c'est vraiment les deux effets. Et puis, c'est vrai que c'est une question qui reste un peu ouverte. En témoigne cette discussion avec David, puisque je ne signerai pas cette pétition. parce que tout simplement, on a quand même des faisceaux, un faisceau d'indices qui montre que les trous noirs ont une influence directe sur la formation des étoiles, en tout cas dans certaines galaxies, dans un certain type de galaxies, puisqu'on voit directement l'arrêt, la suppression de la formation stellaire. Dans certaines régions, on voit des jets et des lobes tout autour, alors qu'un peu plus loin, il y a toujours de la formation stellaire, les étoiles continuent à naître. Mais effectivement, il y a des étoiles, il y a des galaxies où on voit des galaxies mortes, où il n'y a pas vraiment d'AGN actif, de noyau actif. Donc ça reste des questions ouvertes, effectivement. Ouais. David Elbaz ? Je pense que tu fais référence aux amas de galaxies quand tu dis les jets qui arrêtent la formation d'étoiles. Il y a ça, il y a aussi dans des galaxies sans que ce soit dans les amas. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que le jet, c'est quelque chose... Vous voyez, si vous voulez vous débarrasser d'un nuage que vous avez au-dessus de la tête et vous tirez dessus avec une balle de fusil, ça va pas le faire. C'est parce que c'est trop fin. Les jets de matière, c'est pour moi quelque chose qui sort de la galaxie et ça va chauffer la matière autour et ça va empêcher... C'est pour ça que je dis que c'est comme la hyène un peu. Ça va empêcher que la galaxie soit nourrie après. Mais pour qu'une galaxie s'arrête de former des étoiles, on a besoin de rien. Alors, je vous explique pourquoi. Ce qu'on a découvert, c'est qu'on a été capable, grâce au radiotélescope ALMA, de mesurer les réservoirs de matière qu'il y a dans les galaxies. Si j'avais ici une petite bougie et que je mettais un verre au-dessus, on verrait qu'au bout de 8 secondes, la bougie s'éteindrait parce qu'elle aurait consommé l'oxygène. On est capable de mesurer la quantité de matière et de réservoirs pour qu'une étoile, une galaxie quand tu formes des étoiles, et c'est environ 200 millions d'années. Pour les plus intenses et pour d'autres, 600 millions d'années. C'est des durées qui sont assez courtes. Donc, en gros, une galaxie va épuiser ses réservoirs très rapidement, au bout d'un certain temps. La clé pour qu'elle s'arrête de former des étoiles, ça serait qu'il n'y ait pas d'oxygène qui rentre dans la pièce, qu'il n'y ait pas de fenêtre ouverte. Et donc, c'est d'empêcher la matière de tomber. Et ça, un quasar peut jouer ce rôle-là, en allant chauffer autour, etc. C'est pour ça, pour moi, ça joue un rôle à ce niveau-là, mais ça ne va pas tuer la galaxie au sens... voilà. Mais vous avez écrit, David Elbaz, un article sur un jet qui frappe une autre galaxie, qui provoque une flambée d'étoiles en projetant beaucoup de matière et qui fait naître beaucoup d'étoiles, justement. Voilà, c'est ça. C'est une galaxie, on appelle une galaxie ultra-lumineuse dans l'infrarouge, une ULIRG, qui forme des étoiles à un rythme prodigieux de plusieurs centaines de soleils par an. Et on voit le jet qui impacte cette galaxie. On a même mesuré depuis cet article l'indice radio du jet qui varie en fonction de la position. Et donc, on voit qu'il y a une flambée d'étoiles qui est vraiment provoquée par le jet. Alors, ça, c'est encore une autre question. C'est non seulement le trou noir ne serait pas nécessairement un tueur de galaxies, mais ça pourrait être un géniteur. Et il y a justement un article qui vient d'être publié. Alors, c'est pas parce qu'un article est publié que c'est vrai, hein, mais par Joe Silk, qui est collaborateur, il y a quelques mois ou quelques semaines, qui dit que, ben, effectivement, dans l'univers primordial, dans ces galaxies très très compactes, ces Little Red Dots et autres, lorsqu'un jet rencontre de la matière très dense, il va plutôt avoir tendance à comprimer la matière et engendrer de la formation d'étoiles. Et donc là, le pari, c'est que les trous noirs arrivent en premier. Et ils participent à la jeunesse des galaxies. Voilà. Mais effectivement, ce qu'on aime bien, et on est bien content de le montrer aux auditeurs avec Hakim, c'est que c'est important que les gens comprennent que tout ça, c'est de la science en construction sur laquelle on avance de manière constructive, en s'écoutant les uns les autres. Et on est bien conscient des limitations, chacun de notre point de vue, bien sûr. Puisque sur la question de la formation des galaxies, on se demande donc si les galaxies peuvent être formées par ces jets qui compriment la matière autour d'eux. Alors ça participe peut-être. Ce qu'il y a, c'est que les premières phases où ça a pu participer, elles sont très très difficiles à observer. C'est ça qui est compliqué. Mais on arrivait à la toute fin de cette discussion et dans quelques secondes, on retrouve la chronique Avec Science. Mais avant, j'invite nos auditeurs à vous lire David Elbaz et notamment à lire votre ouvrage Les 10 Mélies, une nuit de l'univers qui est paru chez Odile Jacob en 2022. Merci à vous deux d'avoir été là avec nous. On retrouve Alexandra Delbo qui nous parle de déviation d'astéroïdes avec la passionnante mission d'Artera. C'est la chronique Avec Science. Comment la cible de la sonde DART se porte-t-elle? Souvenez-vous, en septembre 2022, cette sonde lancée à pleine vitesse est partie finir sa vie sur Dimorphos, la petite lune d'un astéroïde plus massif nommé Didymos. L'objectif de la mission était donc de tester nos capacités à dévier ce couple d'astéroïdes dans le cas très hypothétique où nous devrions le faire. Et je ne divulgage rien, ça a bien marché. Il y a trois succès à retenir de la mission DART. Première réussite, toucher une cible à 11 millions de kilomètres, en connaissant seulement la taille de l'objet à impacter, en l'occurrence 150 mètres. Deuxième victoire, mener une campagne d'observation internationale au sol et dans l'espace. Et évidemment, la troisième et dernière, dévier la trajectoire de Dimorphos autour de Didymos. Et ça se mesure en réduction de la période orbitale. Mais si la mission est bel et bien terminée, son analyse ne l'est pas encore. Patrick Michel est l'un des investigateurs de cette mission. Il est directeur de recherche CNRS à l'Observatoire de la Côte d'Azur et auteur de « À la rencontre des astéroïdes » aux éditions Odile Jacob. Le problème qu'on a, c'est que à part de savoir qu'on a réduit la durée que met la Lune pour tourner autour de son corps principal grâce à cet impact, et ça, ça a été fait avec les observations depuis la Terre, eh bien, on ne sait pas quel est le résultat de cette déviation. C'est-à-dire que si on veut pouvoir extrapoler ce test à d'autres scénarios, il nous faut le comprendre complètement et l'interpréter de façon exhaustive. Et pour cela, on a besoin d'avoir deux choses au moins, à savoir dans quel état est la pauvre petite Lune à la suite de cet impact, ce qu'on ne sait pas puisque la sonde DART a explosé dans cette Lune et un petit CubeSat italien appelé Licia Cube nous a donné des images des premières minutes après l'impact, mais il se passait encore des tas de choses. Donc on ne sait pas dans quel état est cette Lune. Et la deuxième chose, c'est que même si on a réduit la période orbitale de 33 minutes, on ne sait pas vraiment si la méthode est efficace parce que l'efficacité dépend de la masse de cette petite Lune. La Lune est-elle légère, auquel cas la mission était facile, entre guillemets? Est-elle lourde? Et là, on pourrait véritablement parler d'efficacité. La première étape d'analyse de performance, c'est de comprendre comment sa forme a changé. Et pour ça, il faut comprendre comment elle était au départ. Ça a été fait un petit peu sur le tard, parce qu'il a fallu attendre les toutes dernières minutes avant l'impact pour avoir des images. Et c'est à ce moment qu'on a su que Dimorphos était initialement un sphéroïde oblate, c'est-à-dire en forme de soucoupe volante ou de Smarties, ce qui par ailleurs était déjà assez inattendu. Vient ensuite sa forme après l'impact, grâce à des données d'observation du couple d'astéroïdes depuis la Terre et de modélisation de son évolution, une nouvelle étude parue dans The Planetary Science Journal a construit un modèle numérique de forme. Résultat, Dimorphos est déformé. Cette Lune s'est encore un peu aplanie. C'est à présent un ellipsoïde triaxial et cela confirme les bonnes prédictions d'une autre étude parue dans Nature Astronomy il y a un mois et dont ce chercheur est co-auteur. Les données qu'on a maintenant à partir des observations au sol nous disent que Dimorphos ressemblerait plutôt à un ballon de rugby. Donc on a modifié sa forme due à l'impact. Et ce qui est super intéressant, c'est qu'en parallèle, on a effectué des simulations d'impact de DART sur Dimorphos, cette fois-ci en prenant comme condition initiale celle effectivement produite par la sonde. Donc on avait la vitesse, la taille, la masse de DART, mais aussi la forme initiale de Dimorphos qu'on n'avait pas avant ce test. Et on avait aussi les premiers résultats fournis après l'impact par les images de la petite sonde italienne Licia Cube et bien sûr la quantité d'éjecta estimée par les observations avec les télescopes James Webb et Hubble dans l'espace qui nous ont permis d'estimer la quantité de poussière émise par l'impact. Et en prenant toutes ces données, eh bien la seule façon d'expliquer ce que l'on a vu, c'est qu'on a effectivement affaire à un objet qui est très fragile et qu'on a complètement déformé. Et ça, on l'a trouvé avant même que les observations nous disent qu'effectivement, il semble que ce soit le cas. C'est presque le plus intéressant, pas que la Lune ait changé de morphologie, mais que les calculs et prédictions soient cohérents avec les observations. Et c'est essentiel pour la suite. Cela montre notamment que les petits astéroïdes sont assez fragiles. La limite, bien sûr, c'est que ces modélisations sont faites à partir de données encore partielles. Ce n'est pas une photo et les observations au sol ont encore des incertitudes. Et donc, la prochaine étape, c'est de se rendre sur la scène de crime, de retourner voir ces deux objets avec la mission ERA de l'Agence spatiale européenne. Pour l'instant, des tests de vide thermique sont en train d'être réalisés pour simuler l'environnement spatial. Le lancement, quant à lui, est prévu pour octobre de cette année. Merci Alexandra pour votre chronique et merci à vous d'avoir été avec nous. Merci à toute l'équipe de la science CQFD, Eve Etienne, Noémie Naguet de Saint-Vulfranc, Céline Lausanne, Garance Préma Agnolo, Bruno Sansini, pardon, et Antoine Beauchamp à la réalisation, Olivier Bétard à la technique aujourd'hui, Alex Dang. Vous pouvez nous écouter partout à toute heure sur franceculture.fr ou sur l'appli Radio France, c'était ce qu'il fallait démontrer à ce jour.